Chapitre 7. Un soir, la mère de Bernard entra chez nous avec son mari. Elle tenait à la main une grande lettre ouverte qui me fit battre le cœur dès que je l'aperçus. « Eh bien, Rose d'amour, dit-elle en m'embrassant, voici des nouvelles de Bernard. Il n'est pas mort, il n'est pas estropié, il est vainqueur du sultan de Maroc. Il a les galons de caporal, il a pris la tente du sultan. Ah, pour ça, je n'y comprends rien. Que veut-il faire de la tente du sultan? Il valait bien mieux prendre son neveu. » Mais il paraît qu'il courait à bride abattue et que Bernard, qui était à pied et qui portait son sac et son fusil, n'a pas pu le rattraper. C'est égal, c'est bien drôle de laisser là sa tante. Pourquoi l'avait-il menée à la bataille? Voyons, dit le vieux Bernard, donne-moi la lettre pour que je la lise, car tu nous la racontes si bien que je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce que tu comprends, vieux fou? Tu ne sais pas seulement faire cuire ta soupe, et si tu fermais les yeux, tu ne saurais pas la manger. Écoute-moi cette lettre rose, et tu verras les belles choses qu'il dit, pour toi et pour moi. » En même temps, elle commença sa lecture. « Tenez, madame, voici la lettre. Isly, 1845. Ma chère mère, la présente est pour vous dire que je me porte bien et que je souhaite que la présente vous trouve dans le même état qu'elle me quitte, c'est-à-dire joyeuse et bien portante, ainsi que mon père, le vieux sans souci, et ma petite Rose d'amour, et mes parents, et mes amis, et toutes mes connaissances. » Subséquemment, je viens d'être fait caporal avec des galons, dont auquel je me suis fait sensiblement hommage pour la circonstance de ce que les Marocains sont venus nous attaquer pendant que nous mangions la soupe, ce qui m'a dérangé notoirement, vu qu'il est sensible qu'on ne peut manger la soupe et faire le coup de feu avec commodité, et qu'il faut choisir substantiellement entre la soupe et l'étriement du moricaud, dont j'ai choisi l'étriement dans l'espérance de manger plutôt ma soupe et plus tranquillement ce qui n'a pas manqué. Insensiblement, le sultan de Maroc, qu'on appelle Rahman, Karaman, ou quelque chose de pareil, vu que dans son pays on est comme qui irait aux galères, et qu'on ira à ma perpétuité à cause du soleil qui est chaud comme braise et qui rend noir comme charbon, ceux qui ont la négligence de le regarder en face, ce pauvre sultan, que je dis, a eu l'imprudence de venir se frotter contre ma baïonnette, dont je lui ai montré la pointe avec l'intention de la lui mettre dans la poitrine, comme dans un fourreau. Mais que le moricaud, pénétrant mon dessein, m'a grossièrement montré le dos, comme s'il avait eu besoin d'un lavement, mais que je n'ai pas eu le temps d'obtempérer à son désir, vu qu'il était déjà loin, et que ma baïonnette, conséquemment, n'a pas des ailes comme les oiseaux, et que, comme dit l'autre, ce n'est pas la peine de courir après la mauvaise compagnie, et que, s'il m'a fait une impolitesse en me tournant le dos, je puis bien lui pardonner diamétralement, en long et en large, vu qu'il a fait le même affront au maréchal Bugeaud, et à tous les officiers et sous-officiers du régiment, et que le sergent-major m'a dit qu'il aurait fait la même chose au grand Napoléon lui-même. Itérativement et sans tarder, j'ai couru droit vers sa tente, qui était étendue sur 6 bâtons dorés et qui prenait l'air au soleil, et que moi et Dumanet, nous l'avons emportée à nous deux sur nos épaules, et qu'on a dit que nous aurions la croix, ou du moins que mon capitaine l'aurait, ce qui honore toute la compagnie, et subséquemment le simple soldat, dont auquel, du reste, mon capitaine a bien voulu me dire que je serais mis à l'ordre du jour et que j'aurais les galons de caporal. Ce qui m'a fait plaisir, vu que je sais que tu es glorieuse de ton fils et que tu seras bien aise d'apprendre qu'il est le brave des braves ou qu'il ne s'en faut de guerre, mais qu'il t'aime toujours par-dessus toute chose, mère Bernard, excepté toutefois ma chère Rose d'amour, que j'espère qui m'attendra toujours et qui sera éternellement ma chérie. Je compte que tu m'écriras bientôt pour me donner de tes nouvelles, et subséquemment de celles de mon père, de Rose d'amour, et de toute la famille, et que tu me diras qui est-ce qui vit, et qui est-ce qui meurt, et qui est-ce qui se marie, et je t'embrasse sur les deux yeux, ton fils honoré Bernard. Dis à Rose d'amour que je voulais lui envoyer la tente du sultan, mais qu'on va l'embarquer pour la France, et la donner au roi Louis-Philippe, qui pourra la montrer, s'il veut à tous ces badauds de Parisiens. Dis-lui aussi que voici bientôt 2 ans que je suis loin d'elle, et que nous n'avons plus que 5 ans à attendre. Je ne sais pas, madame, ce que vous pensez de cette lettre, mais pour moi elle me fit un effet dont vous ne pouvez pas avoir d'idée. Tout ce que j'avais souffert, je l'oubliais en un instant. Je ne pensais plus qu'au bonheur de revoir Bernard, et, s'il faut le dire, ses galons de caporal me rendaient toute fière. Je pensais tout de suite qu'il avait gagné la bataille à lui tout seul, et que c'était une grande injustice de ne pas lui donner la croix et de ne pas mettre son nom dans tous les journaux. Et j'enviais la mère de Bernard, qui pouvait s'en aller et montrer sa lettre dans tout le quartier et se faire honneur de son fils, comme j'aurais voulu me faire honneur de mon mari et du père de ma petite Bernardine. Mon père, qui avait tout entendu et qui n'en faisait pas semblant, parut plus content qu'à l'ordinaire. Et pendant quelques jours, je fus presque heureuse. Et, hélas, madame, ce n'était qu'un moment de repos dans ma douleur. Et ce que j'avais souffert n'était rien auprès de ce que j'avais à souffrir encore. Un soir, c'était pendant l'été, après souper, mon père tenait ma petite Bernardine dans ses bras et était assis sur un banc devant la porte. Il s'amusait à la faire sauter sur ses genoux et la faisait rire aux éclats lorsqu'un homme qu'il connaissait vint à passer. C'était un mauvais ouvrier, méchant, querelleur, ivrogne, et qui avait eu quelques disputes avec mon père 2 mois auparavant. Je ne sais plus à quel sujet. Quand cet homme vit mon père ainsi occupé, comme il avait bu ce jour-là, il voulut l'insulter et lui dit « Bonsoir, sans souci, comment va ta petite bâtarde ?» Assez beau, mon père, qui était l'homme le plus doux du monde et le plus ennemi des batailles, devint pâle comme un mort. Il déposa Bernardine à terre et, saisissant l'homme aux cheveux, il le roula dans la poussière et l'accabla de coups de pied et de coups de poing. Les voisins voulurent l'arracher de ses mains, mais mon père y allait avec tant de rage qu'on ne put jamais délivrer l'autre, à peine si l'on parvint à le relever à demi, tout sanglant et la bouche écumante. Cependant, à force de frapper, mon père, fatigué, finit par lâcher prise. À ce moment, l'autre, ayant ses 2 mains libres, tira de sa poche un compas. C'était un charpentier comme mon père, et il l'en frappa 2 fois dans la poitrine. Mon père tomba aussitôt, et l'autre se sauva sans qu'on pût l'arrêter. Jugez, madame, quel spectacle pour moi qui voyais toute cette bataille commencer à cause de moi, et qui ne pouvait pas l'empêcher. Je me jetai sur mon père pour le relever, mais il était en tel état qu'il fallut le porter sur son lit. On appela le médecin qui secoua la tête et dit qu'il n'avait pas 2 heures à vivre. « Puisqu'il en est ainsi, dit mon père, sortez tous, je veux parler à ma fille. » Mes yeux se fondaient en eau, je ne pouvais plus parler. Je m'avançai vers son lit. « Embrasse-moi, dit-il, ma chère enfant, et réconcilions-nous, puisque je vais mourir. Dieu me punit d'avoir été peut-être trop sévère avec toi, après avoir été trop négligent. Ô père, tu me pardonnes ?» Et je l'embrassai de toutes mes forces. « Je ne te pardonne pas, ma pauvre Rose, dit-il, c'est Dieu seul qui pardonne. Moi, je t'aime. Qu'est-ce que je pourrais te reprocher ? Ne m'as-tu pas aimé, soigné, caressé ? As-tu été ingrate ou méchante avec moi ? Jamais. Et si tu as manqué à tes devoirs de femme, n'est-ce pas à toi qui en as porté la peine ? Va, je t'aime. Et si je regrette quelque chose, c'est de te laisser seule et sans protection sur la terre, car tes sœurs, je le sais, sont toutes occupées de leurs maris et de leurs enfants, comme il est naturel, et ne pourront jamais t'aider. » « Je ne puis plus rien pour toi que te donner cette maison. Je te la donne, tes sœurs ont reçu leur dot. Toi, attends Bernard, puisqu'il le faut, et élève Bernardine mieux que je ne t'ai élevée. Je ne te demande pas de la rendre meilleure et plus douce que toi, car tu as toujours été bonne et soumise envers moi, ni plus laborieuse, car je ne t'ai jamais vue perdre une minute, mais de la surveiller mieux. Et hélas, tu vois tous les malheurs qui naissent d'un moment d'oubli. Apporte-moi Bernardine. » Il la prit dans ses bras, la regarda un moment, l'embrassa, et me la rendit en disant « C'est tout ton portrait, elle sera aussi jolie que toi. » Quelques moments après, le prêtre entra et resta seul pendant 1/2 heure avec lui. Quand il fut sorti, je revins à mon tour et pris la main de mon père. Il fit un effort pour me sourire encore et mourut. Je me trouvais seul sur la terre, avec Bernardine qu'il fallait protéger, quand j'avais moi-même si grand besoin de protection.